Quatrième et dernier temps de notre série Apparaître aux yeux du monde sur l'histoire de la mode et du vêtement. Aujourd'hui, le documentaire. Lundi, nous nous sommes posé une question simple. Pourquoi donc vivre habillé plutôt que nu avec Odile Blanc? Eh bien, ce matin, le documentaire d'Anaïs Quin et de Marie-Laure Ciboulet nous explique comment nos ancêtres ont choisi la peau et les poils des animaux pour se réchauffer bien avant le réchauffement climatique que nous connaissons aujourd'hui. Ce matin, ce documentaire nous conduira de Nijni Novgorod au Canada, en passant par Castoria, en Épire, un long périple qui se terminera de toute façon du côté de la rue d'Hauteville à Paris. C'est la longue histoire de la fourrure que vous racontent Anaïs Quin et Marie-Laure Ciboulet avec les témoignages et les analyses d'Olivier Jandot, d'Yves Salomon, de Babis Papafimiopoulos et de Jean-Marc Borodon. C'est jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire ce matin. Vincennes, ironie cruelle pour les pensionnaires du zoo, Madame André Leroy présente ici même ses dernières créations. Un ensemble en phoque naturel argenté. Et dites-moi, en tant que femme, vous aimez la fourrure? Un manteau de panthère des Somalis. Vous connaissez une femme qui n'aime pas la fourrure? Bien sûr. Et quel genre de fourrure, plus spécialement? Devant la fosse aux ours, un trois quarts en ourson. Oh. Vous avez des goûts éclectiques et vous changez oui, souvent? Oui, non, pas très souvent parce que je suis tout à fait modérée dans mes désirs. Un manteau de kangourou. Mais... disons que j'ai un manteau de castor et un manteau d'astrakhan. Le long hiver exige des vêtements douillets et chauds, et voici une toque et un manteau en mouton du Maroc. Un ensemble plus habillé en sconce. La fourrure, en avoir ou pas. Et souhaitons à ce poney de ne pas se transformer un jour lui aussi en manteau. Est-ce qu'il y aurait une civilisation de la fourrure ? Peut-être, oui, parce que très souvent la fourrure, comme étant donné son prix, a pu remplacer la monnaie. Et effectivement, à Novgorod-la-Grande, la monnaie, ce n'est pas l'argent ou l'or, c'est la peau de martre et la peau d'écureuil. Mais moi, quand j'entends les grands-pères qui étaient tout le temps dans la fourrure, ils me disaient toujours, la fourrure, ça tombe malade, mais ça finit jamais comme métier. La fourrure n'aurait plus la cote en Occident. De grands créateurs renoncent à l'utiliser dans leurs collections et les débats contre la maltraitance animale siègent en bonne place parmi les sujets d'actualité. Pourtant, le manteau de fourrure a longtemps occupé une place de choix dans les patrimoines bourgeois, aux côtés des armoires normandes et de l'argenterie. Réputé pour avoir constitué les premiers vêtements, la peau de bête de tout poil a connu de nombreux aléas selon les époques, les goûts et les climats. Fin du Moyen-Âge marque une sorte d'apogée dans l'histoire de la fourrure, c'est le moment où les fourrures débordent. Olivier Jandot, historien, auteur de l'article « La douce chaleur du poil, les usages de la fourrure entre mode et nécessité » du XVIe au XVIIIe siècle. Ça, on le voit très bien dans la peinture de l'époque où on a des personnages de cour ou des bourgeois très richement vêtus, de fourrures très abondantes. C'est le cas dans les portraits de Balthazar Castiglione, de Raphaël par exemple, c'est le cas dans les époux Arnolfini. En fait, la fourrure est partout. Alors il y a peut-être une fascination aussi du peintre pour rendre la matière, ça permet de montrer ses virtuosités, mais ça reflète aussi une réalité sociale qui est très bien montrée, par exemple Robert Delors, qui montre qu'en gros, à partir du XIVe siècle, même si les fourrures déclinent, elles restent encore très abondamment portées. Et d'où vient ce déclin justement à la fin du Moyen-Âge ? Vraisemblablement des évolutions de la mode, en tout cas en termes quantitatifs, il y a un déclin. Il est clair qu'à partir du XVIe siècle surtout, on a des afflux de nouvelles matières, et ça a été très bien montré par d'autres historiens, par exemple par Bernard Allaire, où on a des vêtements qui sont davantage doublés en velours ou en soie, et où dans les costumes de cour, on a une part croissante de ces étoffes nouvelles et un déclin de la fourrure. Donc là, on est vraiment dans des logiques d'évolution de la mode qui sont dues à une évolution des goûts dans la société. Alors la grande évolution, c'est qu'on passe d'une fourrure ostentatoire, visible, à une fourrure beaucoup plus discrète. Elle est portée le plus souvent en doublure. donc dans un souci évidemment de protection thermique, et on la voit apparaître sur l'iconographie justement sur les rebords des vêtements. Donc on n'est plus dans une fourrure portée tout poil dehors, mais au contraire une fourrure portée le poil en dedans. Elle est limitée à quelques pièces d'habillement, des manteaux, des mantelets, qui sont des manteaux plus courts, des pièces d'habillement féminin qui descendent sur les épaules, on va dire jusqu'au milieu du bras. Et puis elle est réservée à quelques accessoires bien particuliers, la Palatine par exemple, qui tire son nom de la princesse Palatine, la belle-sœur de Louis XIV, qui arrive à la cour de Versailles avec une zibeline qu'elle se met autour du cou, ce qui n'est pas du tout caractéristique du goût français, on se moque beaucoup d'elle. Et puis, par effet d'imitation, et puis Versailles étant aussi un théâtre de la mode, eh bien, tout le monde va se mettre à porter des fourrures autour du cou, et donc on va donner le nom de palatine à ce type de fourrure. Et l'autre grand accessoire féminin, mais pas seulement, c'est le manchon, qui est un tube de fourrure dans lequel on met ses deux mains l'hiver. Par exemple, quand Louis XV se prend un coup de poignard par Damien en janvier 1757, les personnes qui étaient avec lui portaient des manchons, on le sait par les récits du procès de Damien. C'est à partir des croisades que les fourrures de luxe commencent à être utilisées de manière systématique en Occident. Robert Delors, Les chemins de la connaissance, 8 septembre 1989. Puis il faut bien voir qu'il y a deux composantes dans cette utilisation des fourrures, la composante climatique si vous voulez, mais aussi la composante de luxe, la composante somptuaire, puisque les grands utilisaient des fourrures très précieuses qui étaient utilisées avant eux par le monde islamique. Et dans le monde islamique, ce n'est pas le climat qui amenait les émirs ou les califes à utiliser l'hermine, la martre ou le renard noir. C'était uniquement une composante de luxe. On n'a pas forcément la fourrure comme produit emblématique de la mondialisation à l'esprit. Quand on pense à cette première mondialisation, on pense plutôt au sucre, aux épices, au thé ou au café. Et pourtant, la fourrure est un des produits de la première mondialisation. Ce qui caractérise l'époque moderne, c'est l'ouverture considérable des champs d'approvisionnement. Jusque au milieu du XVIe siècle, les fourrures consommées en Occident sont des fourrures autochtones, d'animaux chassés dans les forêts ou d'animaux domestiques. Et à partir de la fin du XVIe siècle, on va voir un élargissement du monde qui va conduire à l'arrivée sur le marché européen de fourrures venues de beaucoup plus loin. D'un côté, les fourrures canadiennes, en particulier le castor, et de l'autre côté, on a un afflux de fourrures russes. Alors, les fourrures russes sont présentes sur le marché occidental depuis le Moyen-Âge, mais avec la mise en valeur progressive de la Sibérie, on va avoir un afflux considérable de fourrures de bêtes sauvages, de bêtes à fourrure épaisse, puisqu'elles sont chassées dans des forêts profondes et froides. Alors, elles sont collectées par des trappeurs, c'est le coureur des bois canadien, c'est son équivalent russe, soit piégé ou chassé, soit acheté ou troqué auprès des peuplades indigènes. Et ensuite, il y a tout un réseau qui fait qu'elles sont revendues, transportées en Europe, et elles arrivent en Europe sous forme boursée, c'est-à-dire qu'elles sont cousues sous la forme d'une bourse, le poil à l'intérieur pour les protéger lors du transport, après avoir été prélevé sur la bête. Et donc, le travail du pelletier fourreur va consister à transformer la matière, tout d'abord en enlevant toutes les traces de chair qui peuvent rester collées à l'intérieur de la peau, ce qu'on appelle les charnages, et puis ensuite par une série d'opérations qui vont consister à redonner tout son lustre au poil avec des traitements chimiques où on va faire tremper la fourrure, on va la laver et la relaver, et ensuite on va la battre. Et là on voit très bien ça sur les gravures de livres de métier. Il y en a très beau au XVIe siècle de Jostamann où, dans les planches de l'encyclopédie, on va battre ses fourrures avec de longues verges pour chasser l'eau, la poussière et pour redonner au poil tout son aspect soyeux. Il y a peu de trappeurs. Les trappeurs, donc les chasseurs qui se spécialisent dans la chasse à la fourrure précieuse, sont extrêmement rares et ils rapportent peu de pièces, quelques dizaines, peut-être 100 ou 150 à l'issue de toute la saison d'hiver. Et les principales fourrures sont chassées par le paysan. Et c'est là où nous trouvons la fourrure précieuse fondamentale, la peau de verre, la pantoufle de Cendrillon, qui est le verre, c'est-à-dire l'écureuil changeant, Varius, qui se trouve dans les forêts germano-polonaises et surtout en Russie. Et alors ce verre est chassé par les paysans. Alors ils sont obligés de donner l'obroc, l'impôt à leur propriétaire foncier en écureuil. Ils en donnent 3, 4, 5, 6 par an en tout. Mais comme il y a des centaines de milliers de paysans soumis à l'obroc, finalement ça fait 1 million et demi, 2 millions de pots qui chaque année sont livrés au prince et commercialisés. Et soit transmis aux marchands qui sont généralement des marchands de Novgorod, des marchands russes, qui à Novgorod même les échangent avec les marchands allemands contre le drap. C'est la saison des chasses, partout dans l'Alaska. Remuez vos carcasses, il faut partir les gars. Le cri d'une voix forte, Billy le balafré. Que le diable l'emporte, il faut nous préparer. Un claquement de fouet, allons en route tout est prêt. Quand la lune luit, quand le jour s'enfuit, les drapeurs gaiement s'enfoncent dans la nuit. Les chiens esquimaux tirant le traîneau, tout en galopant font teinter leurs grelots. Les métiers de pelletier et de fourreur figurent parmi les artisanats les plus anciens du monde. Yves Salomon, qui cumule les deux compétences, nous accueille dans ses locaux, Passage Paradis, dans le 10e arrondissement de Paris. Au début des années 70, il a voulu son premier manteau de fourrure exubérant et confectionné en peau de coyote, une relique qu'il conserve précieusement dans ses bureaux. Il y a eu d'abord à l'origine une tradition familiale qui a démarré vraiment de manière, je dirais, un peu occasionnelle, puisque mon grand-père vivait en Russie et qu'il a commencé à faire de la fourrure parce que il a été exilé en Sibérie, donc il savait pas quoi faire, donc il s'est dit il faut que j'occupe mon temps, donc il a commencé à faire le trading de fourrure. Ça a commencé comme ça. Puis après il est venu à Paris, il a continué. Puis mon père a continué, et puis moi j'ai continué, et puis mon fils continue, voilà. Donc c'est une espèce de saga familiale au départ du trading de matières premières et la distribution de ces matières premières d'un pays à l'autre dans le monde entier. Et puis moi j'ai voulu casser ça, voilà. En fait moi je voulais créer absolument et pas faire du business uniquement. Donc je me suis lancé dans le prêt-à-porter au début en fourrure et puis maintenant on a une marque qui fait pas mal de produits différents, voilà. Et à quel moment vous avez commencé à prêter un peu la main à l'entreprise familiale? La toute première fois, j'avais 5 ans. Donc mon grand-père m'a présenté tous les salariés comme le futur patron. Donc j'étais assez gêné parce que j'avais 5 ans et c'était assez incongru. Puis après, une autre fois, quand j'avais 14 ans, mon père m'a dit, tu sais, c'est un métier extrêmement compliqué. Et si on démarre pas à 14 ans, après c'est fini, quoi. Donc il me faisait faire des stages d'été ou de vacances dans les lieux d'approvisionnement pour que je puisse côtoyer la matière première et avec des gens de l'entreprise qui étaient des anciens, très expérimentés, qui m'expliquaient toutes les secrets et toutes les choses qu'il fallait savoir pour évaluer la qualité des pots. Et c'était des gens qui étaient tellement investis de leur culture que c'était passionnant, en fait. Ce qu'ils m'ont transmis, c'est pas la connaissance des pots, mais c'est leur passion. Et je crois que c'était encore beaucoup plus intéressant. Ensuite, mon père faisait partie d'une génération où on donnait aux jeunes l'opportunité de prendre des risques et de se lancer. Donc, il a compris que j'étais intéressé, mais que j'étais pas passionné. Donc, il s'est dit, comment je peux le coincer? Et il a été assez malin, parce qu'il m'a envoyé, dans le premier temps, en Chine, faire des approvisionnements moi-même, tout seul, alors que je n'y connaissais rien, ni en fourrure, ni en commerce. Donc, je me suis retrouvé dans des difficultés absolument hallucinantes. Et après, il m'a envoyé aux États-Unis faire à peu près la même chose. Donc, je me suis retrouvé dans des situations sans aide, parce que j'avais aucun support, et je devais faire marcher le truc. Voilà. Je vais te mettre en apprentissage chez un bon fourreur, un ami à moi. Il va bien t'apprendre le métier, en 2 ans, tu seras un crack. Et après, à nous deux, on donnera les cartes. On sera les rois, on travaillera ensemble. On enfoncera Brunswick. Tiens, et même je te laisserai l'affaire. Ce sera toi le patron. Je te donnerai les clés. Et toi, qu'est-ce que tu feras? Je me reposerai. Et votre père avait été formé par votre grand-père aussi? Ouais, ouais. Lui, il était vraiment pas passionné du tout. Il faisait ça, je pense, un peu par obligation, ou par saga familiale, j'en sais pas, mais en tout cas, c'était pas un passionné. Donc je me suis dit, si je le fais, je veux surtout pas être comme lui. Alors justement, cette marque Yves Salomon, c'est votre nom. Oui. Vous avez choisi de la créer, et je crois que votre père n'était pas tout à fait favorable à la création d'une marque. Ça allait bien au-delà de ça, parce que mon père m'avait interdit de fabriquer un manteau. Il m'avait dit, tant que je serai à la tête de l'entreprise, nous ne fabriquons pas de manteau, et nous nous intéresserons en aucun cas à la mode, qui est quelque chose que j'exècre. Donc, bon, comme tout fils révolté, évidemment, je me suis dit, il faut que je fasse le contraire. Donc, je me suis dit, dès que j'aurai la possibilité, je fabriquerai des manteaux, et je vais m'intéresser à la mode. La haute couture de Paris présente au cours de la journée de la fourrure quelques-uns des modèles que nos élégantes porteront cet hiver. Un manteau de lapin chinchilla. Un manteau de lynx. Voici bientôt l'hiver qui s'annonce, paraît-il, fort rigoureux. Les femmes doivent penser déjà à avoir chaud. Moutons abricots et pelisses de lainage bleu pastel doublées de petits gris argent. Et à ce qu'elles porteront, nous avons demandé au fourreur Veil de nous donner quelques détails sur la mode actuelle, aussi bien dans les fourrures somptueuses que dans les fourrures plus modestes. Que porterons-nous cet hiver, Monsieur Veil? Cet hiver, nous portons des fourrures claires, telles que le castor gris huître, le castor rose beige, le castor couleur saphir, également le ragondin couleur saphir. Voilà pour les nouveautés, donc ce sont des tons pastels. L'atelier boutique Baya de Babis Papatignopoulos se trouve à quelques dizaines de mètres, rue d'Hauteville. Pourquoi la Grèce, et notamment, je crois, la ville de Castoria, la région de Castoria, est si particulièrement marquée par le métier de la fourrure? Il y a 4 siècles déjà, la ville porte le nom Castoria par rapport aux castors. Donc, il y a 4 siècles, il y avait tellement de castors, il y a un lac dans la ville, un grand lac, où ils faisaient très grands dégâts, les castors. Donc, ils étaient obligés de les tuer, de les manger certainement. Et la peau, ils faisaient traiter. Donc, ils vendaient la matière première pré-travaillée. Ils ont fondé 2 centres en Europe. Un qui était à Leipzig, c'est l'Allemagne, et à l'autre, c'est en Autriche, pour avoir les 2 marchés Est et Ouest. Et ils transportaient ça avec les caravanes. Ils ont fondé même une armée pour pouvoir amener tout ça. Et c'est une réputation depuis 4 siècles. Comment vous avez appris votre métier? Alors, j'ai appris le métier à l'âge de 13 ans. Mes parents, ils étaient agriculteurs. J'étais pauvre, donc je ne pouvais pas faire mes études. Donc, il fallait trouver un job. Et en ce moment, c'était très bien d'apprendre à travailler la fourrure. Parce que c'était très bien payé aussi. Et c'était où? En Grèce, à une ville qui s'appelait Siatista, 150 km de chez moi. Donc j'ai appris à connaître d'abord la machine, après la coupe, après le clouage, après le montage. Et l'âge de 16 ans et demi, ça veut dire 3 ans et demi après, j'étais obligé de partir en Allemagne parce que c'était mieux payé qu'en Grèce. Et je travaillais 3-4 mois en Allemagne. On gagnait beaucoup d'argent. Il y avait du travail tout le temps. C'était quand? 1981. Et après, ça ne me plaisait pas le système de vie, parce que tout le monde vivait en ghetto, parce que les Grecs avec les Grecs, les Turcs avec... Donc après, j'ai appris que Paris, ça devrait être bien, parce que je voyais des films Belmondo, Alain Delon, tout ça. Donc, un peu le luxe, un peu le... Et je suis arrivé à Paris. Je suis parti... J'étais mineur, hein. Et ben voilà, on est arrivé ici. Après, on a dit on va travailler pour 3 mois. Et après, on est resté ici. Travailler. Et après, on était ouvrier. On travaillait pour la plus grande société de la fourrure qui s'appelait SIF, Salon International de la Fourrure, qui était à Rue Paradis, là, pas loin. Et là, on a travaillé pour Saint Laurent, Inarritz, Guy Laroche, tout ça. On était très bien payés. La vie était super, pas chère. Paris, c'était un rêve. Moi, j'ai vécu le rêve. Il y avait un rêve pour les gens. Il y avait du travail tout le temps. Et si on était travailleur, on arrivait à obtenir le rêve, qui n'est pas maintenant. Laisse tomber, mon petit. Il y a de la marchandise à monter. Je vous précède, on va arriver dans les ateliers. Donc ici, c'est une partie de l'atelier où on passe du patronage, qui est un morceau de papier, à une fourrure ou un vêtement. Yves Salomon. Et donc, il y a ce qu'on appelle le tracé des fourrures, et on met les fourrures sur le patronage, et c'est là que le manteau s'élabore. Donc, vous voyez, sur le mur, on a plein d'essais, et c'est là que les manteaux se construisent. Mais qu'est-ce qu'on a sous les yeux, là? Ben ça, par exemple, ça, c'est une peau, et dedans, on a incrusté des morceaux, et le résultat, c'est une peau qui n'existe pas, en fait. C'est un animal qu'on a, entre guillemets, inventé. Donc on a créé un animal fantastique. Voilà, exactement. On se trouve Cité Paradis, c'est l'implantation historique. C'est une belle histoire parce qu'en fait, historiquement, l'entreprise était rue d'Hauteville, c'est-à-dire très très loin d'ici, à 50 mètres. Et Cité Paradis, l'endroit où on est aujourd'hui, c'était le siège de notre principal concurrent. Et ce principal concurrent était en fait un ami, parce que à l'époque, c'était un petit métier, les gens étaient concurrents, mais étaient quand même tout le temps ensemble, donc ils étaient amis. Et quand il a pris sa retraite, je me suis dit, il faut que je m'installe là. Voilà. Parce que c'est là où le métier de la foire est incarné. Voilà. Et donc, c'est ce lieu est pour moi important historiquement, puisque depuis, je pense même... la fin de la guerre, c'était un lieu de fourrure. Voilà. Lundi prochain, il passe son certificat d'études. Si moi, j'avais pu suivre des études jusqu'au certificat d'études. À 11 ans, je travaillais déjà. Je me rappellerai toujours quand on est arrivé de Pologne avec comme capitale juste les yeux pour pleurer. Mon pauvre père m'a présenté à son patron. Oh, j'étais haut comme ça, je pesais 29 kilos bagages compris. Noël. On avait quitté Paris à l'aube, on est arrivé au village vers minuit. Je me souviens des cloches dans la nuit. C'était la sortie de la messe. Puis des années, puis la Russie... J'avais pas vu autant de neige. Je portais un manteau de fourrure. Une lubie de ma mère qui avait pas encore compris qu'en France, les enfants mettaient pas ce genre de choses. À l'école, des gens qui se foutaient tous de moi à cause de mon accent. Mais avec ce manteau, qu'est-ce que je me suis fait casser la gueule. Enfin, cette nuit-là, j'étais bien content de l'avoir. On nous a fait entrer dans un vieux chalet. Et plein de matelas par terre. C'est là qu'on a dormi. Mes parents, mon oncle, ma tante et moi. Et puis ils sont rentrés de la messe de minuit. Il s'appelait Beau. B-A-U-D. Beau. Monsieur Beau, sa femme, ses enfants, des cousins. Ils nous ont donné de la soupe. La meilleure que j'ai mangée de ma vie. Et puis du fromage avec du pain de campagne. Personne ne parlait beaucoup. Enfin, si ma tante qui n'arrêtait pas de dire merci. À l'aube, on nous a réveillés. Il y avait des jouets dans la cheminée. Les enfants dormaient encore. Madame Beau m'a donné un petit cheval en bois tout rouge. Elle m'a dit, t'es grand, toi. Tu crois plus au Père Noël, toi, hein, mon petit gars. On a marché longtemps dans la neige. Et puis Monsieur Beau nous a dit au revoir. De l'autre côté d'un grand sapin. C'était la frontière suisse. Thank you. On est rue de Hauteville, dans votre atelier, dans votre boutique. Mmh. On est quand même dans un quartier très particulier, c'est le quartier des fourreurs. Voilà. Dans ce quartier, avant que vous arriviez, Babis, il y a déjà d'autres familles d'immigrés qui sont là depuis longtemps et qui travaillent la fourrure, beaucoup d'ailleurs de juifs. C'était les juifs de Pologne, les Esquenages, qu'on disait. Et eux aussi, ils étaient bien avant nous. Mais attention, nous, c'était la deuxième vague, ou la troisième. Et c'était très bien parce que nous, on avait les mains d'or, donc on savait le savoir-faire, et eux, ils tenaient plutôt la matière première. Donc, quelles que soient les commandes, ils étaient tellement énormes. Donc, un, il avait besoin de l'autre. C'est ce qui c'était bien. À l'époque, on n'avait pas besoin de les cotations bancaires, tout ça. C'était la parole. On se tapait la main et on savait que la parole, ça tient. Une fois que je vais vendre la pièce, et je vais être payé. Lui aussi va être payé. Et c'est, on travaillait tout le monde. C'est un marché close, comme les diamants, comme... On sait si quelqu'un il est pas sérieux, il est exclu. Mmh. Vous voyez ça. Mais maintenant, on reste pas beaucoup. On reste même pas 20 ateliers, boutiques qu'on travaille. Mais quand je suis arrivé, il y avait 300. Donc, il y avait même dans les étages. Il y avait que de la fourrure. Mais il y avait aussi du Made in France à l'époque. Maintenant, c'est Made in China. Les fabricants français, ils vont en Chine pour les fabriquer en Chine. Et vendre en France de Made in Chine. Vous voyez comment ça change. C'est un poids pot, ça. C'est le jaunissement brut. Là, par exemple, on est en train de finir ce manteau. Il y a plusieurs techniques traditionnelles de travail de la fourrure. Il y a le travail peau sur peau, qui est le travail le plus, je dirais, basique aujourd'hui. Et il y a celui-là qui est ce qu'on appelle la longe. Et la longe, c'est le travail le plus traditionnel, c'est vraiment le travail à l'ancienne. La peau, elle doit aller visuellement du haut du manteau jusqu'en bas. Il n'y a pas du tout de jonction de couture. Donc, c'est un travail que très peu de gens aujourd'hui sont capables de faire de manière très qualitative. Et bon, c'est-à-dire qu'on Jean-Marc a... ici, je me plais à le dire souvent, est un de nos techniciens et certainement un des meilleurs au monde pour ce type de fourrure. Et donc, ce manteau est qualitativement est vraiment un chef-d'œuvre technique. Ce qui était plutôt un travail habituel il y a 40 ans, aujourd'hui c'est devenu très très rare des gens qui soient capables d'exécuter ça. L'artisan qui peigne un manteau de zibeline devant nous dans l'atelier d'Yves Salomon, c'est Jean-Marc Boredon, maître fourreur, tout comme son père et son grand-père avant lui. On dit de moi, dans Paris, tout au moins maintenant le milieu est tellement petit, on m'appelle Monsieur Zibeline, tout simplement, parce que je maîtrise cette matière, j'aime cette matière, et puis on a fini par me spécialiser dans cette matière. Qu'est-ce que c'est la zibeline ? Alors la zibeline, c'est un mustélidé vermiforme carnivore, donc ça ne va rien vous dire, mais c'est un animal qui est de la même famille que les visons, que les belettes, que les hermines, que les fouines. Voilà. Tous les animaux sont classés un petit peu par famille. On a les canidés, on a les camélidés. Donc la zibeline fait partie de la même famille que les visons et que les belettes. Et comment pourrait-on caractériser cette fourrure par rapport à d'autres ? Elle a un aspect tout à fait particulier par son volume, par son soyeux, par sa brillance. Et puis elle a aussi des caractéristiques très particulières qui sont un petit peu comme un cheveu poivre et sel. C'est-à-dire qu'elle a des petites pointes argentées. Quels sont vos outils d'ailleurs, ceux que vous tenez à portée de main dans l'atelier et que vous saisissez régulièrement justement dans le cadre de votre travail ? L'outil principal est un couteau, communément appelé un couteau, qui est un porte-lames, sur lequel on met des lames de rasoir afin de pratiquer toutes les découpes dans le cuir, dans la fourrure qui sont nécessaires. Et puis après, ce sont des peignes. Voilà. L'outil principal aussi est ma bouche. Ça paraît particulier. Mais je souffle énormément dans les peaux, énormément. Alors, certains de mes jeunes collègues, quand ils se mettent à souffler, d'autres leur disent « Mais arrête, on dirait Jean-Marc ». Mais c'est une opération nécessaire afin de découvrir tous les défauts qui sont au fond du poil, c'est-à-dire à la base de l'épiderme. On peut les peigner pour essayer de les voir, mais la meilleure méthode pour être sûr de ne pas les rater, c'est de souffler dedans. Je crois que c'est l'outil principal. Je suis né dans ce métier. Mes parents étaient fourreurs aussi, mes grands-parents, paternels et maternels, et j'ai toujours vécu dans ce milieu. Mon plus lointain souvenir, j'avais 6 ans, mon père qui était chef d'atelier dans une maison de couture, faisait des heures supplémentaires des fois dans des petits ateliers, et m'emmenait de temps en temps dans ces ateliers. Donc j'ai le souvenir d'un artisan qui s'appelait Henri Polistock. J'avais 6 ans, et Monsieur Henri, m'assied sur les tables de clouage et m'expliquait comment on pouvait déclouer un vêtement pour en faire des petits couloirs pour faire passer mes voitures. Donc je pense que c'était une éducation par le jeu, tout simplement. Et en même temps, mon père travaillait aussi le dimanche à la maison, et je me levais souvent de très bonne heure pour le voir travailler. Et j'avais absolument pas l'intention d'exercer la même profession que mon père. Et puis... on ne peut pas dire que j'étais un cadre à l'école, et mon père m'a empêché véritablement d'exercer la profession que j'avais envie. À 14 ans, je savais que je voulais être mécanicien auto avec une spécialisation de dieseliste, m'engager dans la marine pour être dieseliste et rentrer à la SNCF comme dieseliste. Donc c'était bien précis. Et puis on m'a obligé à faire cette formation de fourreur, et de fil en aiguille, avec le temps, j'ai appris à aimer ce métier, je l'ai découvert, et puis je l'ai aimé, je l'aime encore, mais de manière différente. Le matin, je l'ai mis en apprentissage chez Lazarus. Là-bas, il apprend le bon. Le castor, le vison. Chez moi, qu'est-ce qu'il aura appris? Le mouton, le lapin. Pour ça, il a bien le temps. Si avec ça, en 3 ans, c'est pas un crack, alors je comprends plus rien. Skidink, tsikhvei, mon baina. Zinne Fevre gekommen verschlagt, Neugis gestanden a treur. Dans la fourrure modeste, que portera-t-on? On porte toujours le lapin, le rat. Le lapin de quelle couleur? On porte plutôt le lapin comme les fourrures somptueuses, c'est-à-dire clair. Beige clair ou marron? Bien. Le vison, qui est une fourrure à peu près inabordable, tout au moins pour la majorité de celles qui ont un budget modeste et même un peu moins que modeste, est donc une fourrure qui est toujours à la mode pour les grandes fortunes, le vison. Toujours très à la mode, toujours pour les manteaux somptueux, pour les capes et pour les étoles. Quelle couleur le porte-t-on? Également dans les couleurs claires, c'est-à-dire d'abord le vison sauvage, qui est un vison que tout le monde connaît. On peut voir qu'en Occident, la fourrure était un peu comme les décorations ou les galons dans la société militaire actuelle. Robert Delors. Puisqu'il y avait les gens qui avaient droit à la zibeline, ceux qui avaient droit à l'hermine, ceux qui avaient droit au verre. Mais alors le verre, il y avait les verres à 10 tirs, à 9 tirs, à 8 tirs, à 7 tirs. Puis les verres qui n'étaient pas tout à fait gris, mais qui étaient un peu rouges, mais plus rouges, etc. Et donc, du premier coup d'œil, c'est pas à la qualité du tissu ou à la couleur du tissu que vous repériez le rang dans l'échelle sociale. C'était à la qualité de fourrure. Quant à la mode féminine et la mode masculine, vous savez qu'elle s'est différenciée relativement tard en Occident, au XIVe siècle à peu près. Jusque-là, tout le monde portait le même habit, c'était le même uniforme de la chrétienté, qui était des robes longues qui brisaient les formes pour éviter toute stimulation sexuelle. Et au moment où le costume court est arrivé, c'est-à-dire vers les années 1340, une mode féminine s'est différenciée de la mode masculine. Et dans les couleurs des fourrures également, les hommes ont peu à peu pris des fourrures beaucoup plus sombres, des martres, mais aussi les fourrures autochtones d'Occident dont je n'ai pas parlé, c'est-à-dire les agneaux en particulier, les espèces d'astrakhan qu'on pouvait porter à l'époque. Donc, plus sombre pour les hommes, et les femmes sont restées fidèles à l'idéal de pureté, de blancheur que symbolisait l'hermine, la belette blanche, le ventre blanc de l'écureuil vert, etc. Est-ce qu'on sait si le peuple qui n'apparaît pas dans ces peintures et ces portraits que vous avez étudiés utilise une fourrure peut-être de moindre qualité ou d'animaux plus communs, Olivier Jandot? Quand on regarde bien, on voit sur certains portraits, sur certaines gravures, qu'on a un usage de la fourrure pour les pauvres. Je pense en particulier chez Jacques Callot, dans la série des Gueux, on a une mendiante qui a un manchon, Et on voit très bien à la qualité du poil qu'il ne s'agit pas d'un poil prestigieux. La fourrure du pauvre, c'est celle d'un animal commun. À la campagne, on a des lapins, on a des chats, on a des chiens. Et on sait, par des sources détournées, par exemple sur des traités sur la fourrure, des traités techniques, que tout animal à poil est susceptible de finir sous forme de manchon, de gants ou de doublure sur le costume de quelqu'un. Il y a la fourrure du pauvre, il y a aussi la fourrure du riche. Si on porte un manteau doublé en fourrure de chat ou de lapin, on ne porte pas du vert, de l'hermine. Les fourrures les plus prestigieuses sont les fourrures d'animaux à poils longs venus des forêts froides, donc celles qui viennent de très loin. Ce sont des animaux d'ailleurs souvent de petite taille, donc il faut énormément de pièces de fourrure pour faire un manteau, et donc le coût peut être absolument faramineux. J'avais lu quelque part le nombre de zibelines qu'il avait fallu pour faire le manteau de sacre de Louis XIV. C'est un génocide animal. Donc, il y a vraiment des fourrures pour tous les prix. Et puis, il est clair que le renard et le ver ou l'hermine n'ont pas la même valeur symbolique. Mais pas non plus, et c'est très intéressant aussi, la même valeur sur le plan de la protection thermique. Puisque plus l'animal est coûteux, plus il vient de loin, plus il a le poil long, plus il protège de la chaleur. Donc la chaleur, là aussi, n'est pas donnée à tout le monde. La fourrure vous part d'une chaude sensualité, avec ses tons roux et lumineux, ses teintes sombres et veloutées, ou ses tons pastels et tendres. Avec la fourrure, mettez en valeur votre personnalité. Soyez une autre femme, plus belle, plus attirante, plus mystérieuse encore. Nous évoquions tout à l'heure, à l'instant, avec Jacques Kessler, les rigueurs de l'hiver. Lorsque vous prononcez le mot « froid » devant une femme, elle vous répond immanquablement « fourrure ». Alors, et le manteau de fourrure. Si je vous demande de me faire des propositions pour un manteau, parce que la fourrure, tout compte fait, c'est le manteau. Pour nous, aujourd'hui, la fourrure, c'est essentiellement un manteau ou un vêtement d'hiver. Un vêtement qui nous permettrait d'affronter un climat extrême. Mais pour autant, pour les périodes qui vous concernent, Olivier Jandot, c'est aussi un vêtement d'intérieur, et un de ceux qui en fait un usage gourmand, c'est Jean-Jacques Rousseau. Un des portraits iconiques de Jean-Jacques Rousseau par Ramsay le représente justement avec son manteau de fourrure, dont on connaît parfaitement l'histoire, il ne s'en séparait jamais. Alors c'est un manteau d'extérieur. Rousseau tenait beaucoup à ce qu'on ne puisse pas croire qu'il sorte en robe de chambre, mais il n'empêche qu'il est représenté derrière son bureau avec ce manteau. Et une fois qu'on a cette clé de lecture, et qu'on se penche un petit peu sur la question, on se rend compte qu'en fait, on trouve, et ça nous surprend beaucoup, de la fourrure dans les vêtements d'intérieur. Ça commence avec Érasme. Dans tous les portraits d'Érasme représentés dans sa bibliothèque, il est vêtu comme s'il allait affronter une tempête de neige, avec de très épaisses fourrures. On a Rousseau, on a des témoignages de Bossuet. Alors Bossuet, lui, empile les robes de chambre, mais il passe l'hiver les pieds dans un sac en peau d'ours, qui est un grand classique de l'époque. Quand on va dans un dictionnaire de commerce comme celui de Savary, qui est très célèbre, ou dans l'encyclopédie à l'article ours, on vous explique que la peau d'ours est la plus épaisse des fourrures, la plus chaude, et qu'elle sert essentiellement, c'est dit en mots très précis, que la peau d'ours sert essentiellement à faire des sacs dans lesquels on glisse ses pieds l'hiver, ce qu'on appelle aujourd'hui des chancelières. Donc il faut imaginer que Bossuet passe ses nuits emmitouflé dans ses robes de chambre, les jambes dans un sac en peau d'ours, et que on a comme ça de multiples traces qui sont difficiles à traquer, mais qui surgissent comme ça dans les sources. Par exemple, un joueur, dans un ouvrage du XVIIIe siècle, il y a une scène assez cocasse où, autour d'une table de jeu, un joueur dit à son valet « va me chercher le sac ». Et donc tout le monde se dit qu'il va revenir avec un sac plein d'or et donc rajouter de la mise sur la table. Et en fait, pas du tout, il commence à faire froid dans la pièce et le valet revient avec un sac en peau d'ours dans lequel le joueur va glisser ses jambes. Donc ça nous renseigne effectivement sur les climats intérieurs. Quand on sait qu'à l'époque, on s'estime très correctement chauffé à 12-13 degrés, dans le meilleur des cas, on comprend mieux que l'usage de la fourrure soit une nécessité. Et ça, on le sait aussi par Montaigne. Quand Montaigne découvre les poils lors de son voyage vers l'Italie, il passe dans le pays de Bade, sans jeu de mots, il se rend compte qu'en fait, la présence du poil permet d'éviter de porter du poil, tout simplement parce que le poil est un instrument qui diffuse très bien la chaleur, contrairement à la cheminée qui chauffe très mal, et à laquelle pourtant les Français sont viscéralement attachés. Et donc Montaigne dit, mot pour mot, c'est très surprenant, on est obligé de se dévêtir dans ces intérieurs germaniques, alors qu'au contraire, chez nous, quand on rentre chez soi, on est obligé d'enfiler un manteau supplémentaire et d'enfiler un manteau de fourrure. Si encore la fourrure marchait comme avant la guerre. Mais maintenant, les femmes préfèrent rouler en voiture dans un manteau de tissu plutôt que d'acheter une fourrure. Ah, le beau, ça marche toujours. Oh, le beau. Mais qui porte du beau? Celles qui ont les moyens. Et celles qui ont les moyens, elles montent pas mes quatre étages du faubourg Poissonnière. Le manteau de fourrure au XXe siècle est vraiment un marqueur social. Posséder un vison, pendant très longtemps, a été le rêve de la ménagère de moins de 50 ans. C'était un moyen d'affirmer son statut social. On le voit très bien dans la littérature, par exemple, ou dans le cinéma. On demande un vison à son mari. Si tu m'aimes, offre-moi un vison. On retrouve même ça dans Les Demoiselles de Rochefort. Donc le vison, et jusqu'à une époque récente, était vraiment un marqueur social. On s'endettait pour acheter un vison. Hein, c'était un rêve. On avait même tout un système, parce que ce vison qu'on achetait pour la vie, vu le coût que ça représentait, il fallait l'entretenir, le conserver, le mettre au frais pendant l'été. Alors n'espère pas devenir mon amant, tu mens lorsque tu parles de tes sentiments, non. Reprends ta liberté de fille en liaison, tu trouveras l'amour pour le prix d'un vison. Et puis tu m'oublieras. Quand je suis rentré dans le métier, j'ai vraiment détesté ça. J'ai détesté ce côté fourrure bourgeoise et très ennuyeuse, en fait. Bon. Et je me suis dit, il faut que je trouve une voie différente de faire aimer la fourrure, mais en la rendant collée à la mode. C'est-à-dire comme un produit de mode et pas comme un produit de luxe ou un produit statutaire qu'on va acheter pour 20 ans. Il faut que ce soit un produit qui soit au cœur de la mode, qui soit un complément de la mode, et qui deviennent un coup de cœur, et un coup de cœur qu'on peut aussi économiquement se payer. Parce qu'il ne s'agit pas que ça soit un produit qui a un prix absolument insoutenable, et donc on est là, et ça devient l'aboutissement d'une vie, non. Ça doit être une impulsion qu'on peut avoir facilement, et ça ne doit pas être une frustration. Ça fait 30 ans ou 40 ans que je me suis penché sur ce problème, et que j'essaye au quotidien d'appliquer de manière assez rigoureuse cette volonté de pas être dans le cadre d'une fourrure complètement normée et qui correspond à cette période des années, surtout des années 60, que j'ai vraiment pas aimé du tout. Le manteau d'Astrakhan, c'est terrifiant. Voilà. Pourquoi c'est terrifiant? Parce que ils étaient tous pareils quasiment, et puis c'est un uniforme. Ce qui est vraiment chouette dans ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que il n'y a pas un manteau qui ressemble à un autre, ils sont tous différents. On fait appel à des techniques complètement révolutionnaires pour que ça pèse 3 grammes, alors que le manteau d'Astrakhan de ces années-là pesait 3 ou 4 kilos. Bon. Quand vous êtes arrivé dans les années 80, Babis, qui achetait des manteaux de fourrure? Même la concierge. Il voulait acheter parce que c'est un prestige, donc, et on gagnait plus facilement l'argent. Il y avait beaucoup moins de taxes. Et la vie était beaucoup plus simple. Et on avait cette possibilité-là de faire un rêve. Et tout le monde participait, même papa, même maman, pour acheter même la fille, l'âge de 20 ans, une fourrure. Vous voyez, c'était quelque chose de prestigieux, comme les bijoux, comme les voitures, comme. C'est une preuve qu'on a les moyens aussi. C'est-à-dire que tout le monde dans la famille se cotisait pour offrir un manteau de fourrure à une femme. C'est ça. Maintenant, la mode peut-être a changé. Les gens, ils veulent acheter un truc 60 euros, 50 euros en solde. La plupart, les grosses pièces, ils achètent en solde. Et si on leur dit que ça va durer 10 ans, ils ne veulent pas. Ils veulent porter un an, deux ans et jeter. Comme ça, ils sont tout le temps à la mode. Mais qualitativement, après, faut voir, avec 40 euros, si on le fait fabriquer en France, c'est même pas le prix de fabrique. Et je pense que la classe moyenne en France ou en Europe, où tout le monde il voulait acheter un vison ou un manteau de fourrure, c'est disparu. Et maintenant, soit ça travaille les grands couturiers, les grandes marques, soit après il faut s'attaquer les gens qui touchent le SMIC, 1200, 1500, mais là, on ne peut pas les fabriquer ici. Donc, après, ça doit. Et ils sont obligés d'acheter des produits chinois, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Moi, là, dans l'usine, avec mes deux ouvriers, c'est un miracle si on arrive à tenir. Tiens, Jean Blum. Je le vois arriver ce matin, là. Oh, rien qu'à voir sa tête, j'ai tout de suite compris. Il n'a pas eu besoin d'expliquer sa maladie, je lui ai dit. C'est là. Il a fait oui de la tête. Je lui ai dit, j'ai un bon médicament pour vous. Donc, quand j'ai glissé le billet dans la poche, tout de suite, il a été guéri. c'est ma tournée. Qu'est-ce que vous prenez? Que la fourrure remarche. Il est clair que le regard sur la fourrure a complètement changé, et ça depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, on va dire, depuis les combats de Brigitte Bardot et de Marguerite Yourcenar, ce qui est très surprenant, cette alliance détonnante. L'activisme pour la cause animale a fait que il est socialement beaucoup moins toléré de porter de la fourrure au nom de la souffrance animale, de la protection des espèces, même si certaines fourrures sont des fourrures d'élevage. Et les campagnes choc d'une ONG comme PETA, qui affirme qu'il faut être plutôt à poil qu'en fourrure, ont marqué les esprits. Donc la fourrure recule, on a tous les ans des déclarations d'abandon, de maisons de mode prestigieuses ou de grands créateurs qui affirment haut et fort qu'ils dorénavant n'utiliseront plus de fourrure animale. Mais ce qu'il y a de fascinant, c'est que la fourrure a la peau dure parce que on remplace ces fourrures par des fourrures synthétiques. Donc l'aspect tactile, visuel de la fourrure ne disparaît pas. C'est juste la nature de la fourrure, à mon sens, qui risque de disparaître. Pas d'animaux dans les manteaux ! Pas d'animaux dans les manteaux ! La fin de certains animaux ou pour vous, mesdames, des manteaux de fourrure. Interactualité, 23 décembre 1972. C'est un sale métier que de devoir sans fin n'étant coupeur de bourse. Bonneteur, charlatan, montant l'air aigre fin, vendre la peau de l'ours. On demeure parfois pendant des jours entiers tout seul dans sa boutique. Et cette odeur de peau qu'il faut que vous sentiez n'est pas très romantique. Écoutez bien ces chiffres, mesdames. Pour faire un maxi manteau de fourrure, il faut au moins 7 peaux. Résultat, il y a 50 ans, 100 000 tigres peuplaient la jungle indienne. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 1800. Chaque année, 22 millions de bêtes à fourrure sont massacrées. La chasse aux bébés phoques a repris depuis 3 semaines sur les côtes du Labrador. La fourrure, une enquête de Christiane Paulfort. Chasse aux bébés phoques, mais chasse aussi aux renards, aux ocelots, aux panthères, aux tigres. Il est tout de même bon de savoir qu'il reste moins de 5000 tigres dans le monde. Aussi, pour protéger ces animaux, la princesse Grâce de Monaco vient de décider de ne plus jamais porter de fourrure sauvage. Elle entend ainsi contribuer à la sauvegarde des races menacées. D'ailleurs, dès 1971, Liz Taylor prenait la même décision, imitée par Brigitte Bardot et Mia Farrow. Et pourtant, au salon de la fourrure qui s'ouvre demain à la porte de Versailles, les visiteurs pourront voir encore les peaux de ces animaux. Peaux qui deviendront des manteaux de fourrure. Car les femmes ne détournent toujours pas leurs yeux d'un manteau d'ocelot, de panthère, de renard, de lynx, leur fourrure préférée. Mais des fourrures que les pelletiers ont de plus en plus de mal à se procurer, comme nous le dit Amédée Missire, président du comité de la fourrure. Dans toutes les ventes aux enchères, on peut trouver toutes sortes de fourrures, à l'exception, si vous voulez, des panthères, des ocelots qui généralement se traitent en privé. En privé parce que la vente est interdite. La martre Zibeline. La vente a été interdite en Amérique. Sur madame en Paccard. Que quand le paradis chlorobenzène emplit le nez et les placards. L'opossum, à la fin, c'est tout aussi lassant que la loutre marine. Aujourd'hui, on n'a pas besoin des fourrures pour avoir chaud. C'est-à-dire que les progrès techniques, l'invention et la fabrication des fibres synthétiques ont permis d'avoir chaud sans avoir recours aux fourrures. Ce qu'on appelle les fibres polaires fait qu'on ne va pas aujourd'hui explorer le pôle Nord vêtu de fourrures comme l'Hansen ou les explorateurs du début du XXe siècle. Donc là aussi, on peut affronter l'hiver sans avoir un recours nécessaire à la fourrure. Et ça, c'est aussi une évolution technique, technologique qui permet d'avoir des alternatives à l'usage de la fourrure. Finalement, cela fait très peu de temps qu'on peut se permettre de se passer de fourrure. Oui, je ne suis pas un expert en fibres synthétiques, mais c'est vrai que les fibres polaires apparaissent dans les années 80, donc c'est une époque assez récente. Toute la question est de savoir si on est en ce moment à un moment charnière dans l'histoire du rapport que l'homme a entretenu avec la fourrure animale. Est-on en train d'assister, peut-être, à la disparition de la fourrure animale? Alors là, on a des sources contradictoires dans la presse spécialisée, dans les revues de mode, on a des déclarations sur l'abandon de la fourrure, mais en même temps, dans le même temps, on a une clientèle asiatique qui représente un marché prometteur, qui aime, elle, la fourrure animale, donc peut-être que ce déclin de la fourrure est seulement un déclin en Occident et que dans d'autres régions du monde, la fourrure n'a pas dit son dernier mot. Les femmes en zibeline promènent leur grand style devant les vitrines des grands magasins. Dans cet immobile, leur regard de bille, ces âmes futiles n'ont pas la vie facile. Des dollars s'alignent dans leurs yeux qui brillent. La fourrure, en avoir ou pas, avec Olivier Jandot, Yves Salomon, Babis Papatignopoulos et Jean-Marc Boredon. Merci à Judith Lioncamp, David Lescaut, Elie Bessac et Michel Rosenblatt. Extrait des films Le cinéma de papa de Claude Berry et De la bûche de Daniel Thompson. Prise de son, François Rivalan, Cyprien Creton de Limerville et Anthony Thomasson. Mixage, Alain Joubert. Un documentaire d'Anaïs Quien, réalisé par Marie-Laure Ciboulet. Des dollars s'alignent dans leurs yeux qui brillent. Elles veulent avoir chaud car l'hiver les tient. Et sur les réclames dans les magazines, on empile des fesses, des bouches et des seins. Voilà donc pour ce dernier volet de notre série consacrée à la façon d'apparaître aux yeux du monde, à la mode et aux vêtements. Vous pouvez évidemment réécouter toute cette série sur le site internet de France Culture, commenter cette série sur le groupe Facebook de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous écrire sur Twitter, donc à l'adresse Fabrique FC. Demain, vous pourrez écouter le débat que nous avons enregistré dans le cadre de la journée spéciale de France Culture mardi dernier à la Sorbonne dans le Grand Amphithéâtre autour du Nouvel Âge de la Politique et nous parlerons d'interpeller le pouvoir avec Marie Dejoux, Gérard Noriel et Éric Anceau. Et puis je vous rappelle, on en a parlé vendredi dernier, que ce soir au Collège de France à 17h dans le cadre de du grand colloque consacré à la nouvelle école polonaise d'histoire de la Shoah, vous pourrez peut-être écouter, si ça n'est pas trop plein, la grande conférence du grand historien Jan Gross. C'est ce soir à 17h au Collège de France.